إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Nous allons aujourd'hui continuer donc les quatre règles de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimallah avec les explications de Sheikh Salah al-Sheikh. Et nous avons terminé la semaine passée la première règle. Nous allons donc commencer, inshallah, la deuxième règle. Al-qa'idatu thaniya annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabil qurba wa shafa'a. Donc ce qu'ils disent, nous ne les invoquons et ne nous adressons à eux que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur. فالدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Donc la deuxième règle, c'est qu'ils disent, nous ne les invoquons et ne nous adressons à eux que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur. Donc ils les invoquent, ces idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah, et ils s'adressent à eux que pour leur demander qu'ils les rapprochent d'Allah et qu'ils intercèdent en leur faveur. Le fait qu'ils leur demandent le rapprochement d'Allah est indiqué par la parole d'Allah Azzawajal dans la traduction du sens du verset, tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ». En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. والدليل الشفاعة قوله تعالى. Donc là, l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, donc là il va mentionner maintenant la preuve hein, de l'intercession. والدليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Dans la traduction du sens du verset, donc la preuve ici que les polythéistes recherchent l'intercession de leurs idoles en les adorant, eh bien, c'est, dans la traduction du sens du verset, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter, et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ok, dans surat Yunus, verset 18. وَالشَّفَاعَ شَفَاعَتَانِ. Et donc, l'intercession, il y en a deux types d'intercession. شَفَاعَ مَنْفِيَّ وَشَفَاعَ مُثْبَتَ. Il y a une intercession qui est niée, une intercession qui est niée, et une intercession qui est confirmée. فَالشَّفَاعَ الْمَنْفِيَّ مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فِي مَا لَا يَقْدِرْ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. L'intercession niée, c'est celle qui est demandée à un autre qu'Allah, pour une chose que seul Allah peut faire. Et ceci est indiqué par la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset. Bon, déjà je vais le dire en arabe, ensuite hein, dans la traduction du sens. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. La traduction du sens du verset: Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Donc là, l'intercession confirmée, c'est celle qui est demandée à Allah. التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Donc l'intercession confirmée, c'est celle qui est demandée à Allah et dont l'intercesseur a reçu l'honneur d'intercéder, et dont Allah est satisfait des paroles et des actes de celui pour qui on intercède. Et elle ne se fait qu'après la permission d'Allah, Azza wa Jal, comme Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens du verset 255 de Sourate Al-Baqara, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Donc là, le sharh, l'explication de Sheikh Salih al-Sheikh Hafizahullah. Il dit, donc s'il y a des questions, barakallahu fikum, concernant le cours, il ne faut pas hésiter à les écrire là, sur soit en message pour ceux qui n'ont pas de compte là, sur la radio, la sunna, sinon, ceux qui ont un compte, ils peuvent l'écrire dans la partie des messages. D'accord ? Je peux avoir accès, Inch'Allah. Barakallahu fikou. Donc, l'explication. Il dit le Cheikh Salih al-Sheikh Hafizahullah. هذه القاعدة الثانية في بيان حال المشركين في عبادتهم. عبدوا آلهة مع الله جل وعلا ومن دونه. Cette deuxième règle concerne en fait... Elle va en fait clarifier, elle va en fait montrer, présenter et clarifier l'état des polythéistes dans leur adoration. Donc, on voit le lien qu'il y a avec la première règle. Dans la première règle, on avait vu quelle était la croyance des associateurs et des polythéistes. D'accord ? Ils ne reniaient pas qu'Allah était le créateur, mais ils y croyaient, ils savaient que le seul créateur c'est Allah et le seul qui peut faire ce qu'il veut c'est Allah le Très-Haut. Tout ça, ils y croyaient. D'accord ? Cependant, ils adoraient autre qu'Allah. Donc, c'est ça la croyance des associateurs, c'est qu'ils croyaient. Donc, première règle, ils croient qu'Allah est le créateur. Mais le bien qu'ils croient qu'Allah est le créateur, cela ne fait pas d'eux des musulmans. D'accord ? Parce qu'ils doivent adorer Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Donc ça, on voit bien en fait la première règle. Déjà, quelle est la croyance des associateurs des polythéistes ? Deuxième règle, l'état maintenant de ces polythéistes. On comprend bien ici l'importance de ces quatre règles. C'est très important de les maîtriser et de bien comprendre. Parce que lorsqu'on comprend bien ces quatre règles-là, eh bien ça va avoir une base solide dans tout ce qui découlera. On ne connaît une chose que si l'on connaît son contraire. Si on connaît la croyance des musulmans, des gens de la sunna et du consensus, on connaît leur croyance, on ne comprendra leur croyance que lorsque l'on étudie ce qui l'oppose. D'où l'importance de... ces quatre règles-là. Première règle, on se rappelle la croyance. Quelle est la croyance des associateurs, des polythéistes ? Eux n'ont jamais renié qu'Allah est leur créateur. Donc ça, c'est une mauvaise compréhension de beaucoup de musulmans qui parfois font la da'wa ou parfois parlent sans science comme cela. Qu'Allah les guide et nous guide, amin. Premier point, les associateurs et polythéistes croient qu'Allah est le créateur. Ils ne l'ont jamais renié. D'accord ? Mais ils vouent leur adoration à autre qu'Allah. Deuxième point maintenant, deuxième règle, là, c'est pour voir, comme dit le Cheikh Salah al-Cheikh Hafidhullah, pour voir l'état de ces associateurs dans leur adoration. Leur état, il est comment dans leur adoration ? Abadu aliha ma'allahi jalla wa'ala wa min duni. Donc ils ont adoré. Ils ont adoré avec Allah des divinités. Ils ont adoré avec Allah des divinités. Et en dehors d'Allah. D'accord ? ماذا يقصدون بهذه العبادة ? Là, c'est la question qu'on se pose dans cette deuxième règle. Donc, quel était leur but dans l'adoration qu'ils vouaient à autre qu'Allah ? Quel est leur but dans l'adoration qu'ils vouaient à autre qu'Allah ? D'accord ? هل يقولون هي آلهة استقلالية ? Est-ce qu'ils disaient que ces divinités-là qu'ils adorent, eh bien, ce sont des divinités qui sont totalement indépendantes ? Ou bien, est-ce que ce sont des intermédiaires ? Donc, c'est ça la question qu'on veut comprendre dans cette deuxième règle. Est-ce que maintenant, là maintenant on sait dans la première règle, sur quoi se tenaient les polythéistes en termes de croyance ? Ils croient qu'Allah est le créateur, ils ne l'ont jamais renié, mais ils vouent l'adoration à autre qu'Allah. Maintenant, dans la deuxième règle, on essaie de comprendre maintenant quel est le but de cette adoration-là qu'ils vouent à autre qu'Allah. Donc, est-ce que ces fausses divinités-là qu'ils adorent en dehors d'Allah, est-ce qu'ils les prenaient pour des divinités indépendantes d'Allah, c'est-à-dire qu'ils ne s'en remettaient qu'à ces divinités-là, ces fausses divinités-là, ils n'adoraient que cela dans le but de les adorer elles seules, ou bien est-ce qu'ils utilisaient ces fausses divinités-là comme des intermédiaires ? Des intermédiaires entre eux et qui ? Entre eux et Allah Azza wa Jal, le Très-Haut. Donc c'est ça la question qu'on essaie de comprendre. هذه القاعدة أفادت بأنهم إنما كانوا يعبدون غير الله جل وعلا على جهة الوساطة على جهة القربة أو على جهة الشفاعة يعني يقولون إن آلهتهم الباطلة تقربهم إلى الله أو ترفع حوائجهم إلى الله أو يقولون إنها تشفع لهم عند الله جل وعلا. Donc ça, c'est un point important à bien noter, Inch'Allah. C'est que déjà, dans la question que l'on se posait, quel est le but donc de l'adoration que les polythéistes vouaient à leur fausse divinité ? Est-ce que c'était dans un but qu'ils considéraient que leurs divinités, leurs fausses divinités, sont des divinités qui sont totalement indépendantes d'Allah Azza wa Jal ? Ou bien est-ce qu'ils les prenaient, donc, ou bien ce sont des intermédiaires entre eux et Allah le Très-Haut ? Eh bien, dans cette deuxième règle, eh bien, on comprend que ils adoraient autre qu'Allah. Quel est pourquoi ? Eh bien, en prenant ces choses-là qu'ils adoraient en dehors d'Allah comme des intermédiaires, mais également dans le but de se rapprocher d'Allah. Ou dans le but que ces fausses divinités intercèdent en leur faveur auprès d'Allah. D'accord ? Donc ils disent que leur fausse divinité les rapproche d'Allah. Ou bien leur fausse divinité, eh bien, élèvent leurs affaires auprès d'Allah. D'accord ? Ou bien, ils disent que leur fausse divinité intercède en leur faveur auprès d'Allah le Très-Haut. Donc voilà le but de l'adoration des associateurs des polythéistes qu'ils vouaient à leur fausse divinité. D'accord ? يعني أن مشرك العرب لم يكون يطلبون من الآلهة استقلالا. Donc les associateurs, en fait, يعني les Arabes polythéistes, eh bien, ne demandaient pas, يعني n'invoquaient pas indépendamment leurs idoles, leurs fausses divinités. وإنما كانوا يطلبون من الآلهة على وجه الوساطة. وهذه الوساطة من جهة القربة ومن جهة الزلفة. Donc, ils ne demandaient pas juste, ils ne s'en remettaient qu'à leur fausse divinité et n'adoraient que leur divinité. Mais ils utilisaient en fait leur fausse divinité en les invoquant, en demandant à leur fausse divinité, eh bien, d'être en fait un intermédiaire entre eux et Allah. D'accord ? C'est-à-dire que ces divinités-là deviennent leurs fausses divinités deviennent des intermédiaires entre eux et Allah, ou bien le fait que eux se mettent à adorer leurs fausses divinités, eh bien, pour que leurs fausses divinités les rapprochent d'Allah le Très-Haut. D'accord ? Ou les élèvent en degré auprès d'Allah le Très-Haut. D'accord ? وجهة ثانية جهة الشفاعة. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, donc le premier point, c'est que ils adoraient leur fausse divinité, ils les prenaient en tant qu'intermédiaire afin que ces fausses divinités là les rapprochent d'Allah, d'accord, les élèvent en degré auprès d'Allah. Et le deuxième point, c'est وجهة ثانية جهة الشفاعة, c'est-à-dire que du point de vue de l'intercession. D'accord ? Un deuxième point, pourquoi ils adoraient ces fausses divinités-là ? C'est pour l'intercession, pour que ces fausses divinités-là, eh bien, intercèdent en faveur de ces kuffar et mushrikin qui les adorent. D'accord ? كما ذكر رحمه الله قال فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. Donc, la preuve, en fait, donc là, le shirk, qu'est-ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a, il a montré les deux points. Le premier point, c'est que eux, ils adorent leur fausse divinité là, eh bien, pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, de par cette adoration là qu'ils voient à autre qu'Allah, à leur fausse divinité. Ou bien par le fait qu'ils souhaitent, en adorant ces fausses divinités là, que ces fausses divinités là les élèvent en degré auprès d'Allah. Le deuxième point, eh bien, c'est du point de vue de l'intercession. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils adorent leur fausse divinité afin que celle-ci intercède en leur faveur auprès d'Allah le Très-Haut. Et donc ensuite, il a mentionné en fait la preuve concernant, eh bien, le premier point, et ensuite, il va mentionner concernant le deuxième point. D'accord ? Le premier point sur le rapprochement, eh bien, c'est le verset qu'on vient de citer. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah, en dehors de lui, disent « Nous ne les adorons que pour qu'il nous rapproche davantage d'Allah. » Voici la preuve, en fait, pour le rapprochement. D'accord ? Donc ensuite, le shir salih al-shir hafidullah, il dit « Qala walladhina attakhadhu min dunihi awliya » Donc ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui. « Ya'ni awliya » c'est pourquoi c'est « Ya'ni aliha » D'accord ? Ils prennent des awliya, des protecteurs, des alliés. D'accord ? Si on peut traduire. Eh bien, cela signifie en fait des divinités. Donc, ce qu'ils prennent, ce qui est traduit ici par protecteur, ou bien par allié, eh bien, cela, il dit, le shir, salah al-shir hafidullah, il dit, eh bien, cela, ce sont les divinités. Donc, ils prennent quoi ? Ils prennent en dehors de lui des divinités. Ma na'buduhum. Ya'ni yaqulun ma na'buduhum illa. Donc, ils disent. Nous ne les adorons excepté pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Le fait qu'en arabe ici il y a illa, d'accord, il dit le shir hadha hasr. Eh bien, on comprend maintenant pourquoi leur parole lorsqu'ils disent nous ne les adorons que pour. Voilà le but de leur adoration ici. Que pour, ça veut dire qu'ils ne les adorent que pour cela. Quelle est cette cause-là ? que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Ils ne les adoraient, leurs fausses divinités-là, que dans ce but-là, pour que leur divinité les rapproche davantage d'Allah. D'accord ? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Ya'ni ma na'buduhum li'illa min al-'alal illa li'ajl at-taqrib. Ce que je disais, donc le cheikh il dit que ces polythéistes-là disent nous ne les adorons pas juste comme ça pour le simple plaisir de les adorer, mais nous ne les adorons ces divinités-là dans le seul but qu'elles nous rapprochent d'Allah. Voilà pourquoi ils les adorent. فَهُمْ حَسَرُوا مَا أَرَادُوا فِي الْقُرْبَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Donc ça, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont restreint toute leur adoration dans quoi ? Pour que, dans ce cas-là, hein, pour que, eh bien, leur divinité les rapproche d'Allah, le Très-Haut. فَهُمْ أَرَادُوا مَا عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Donc ces polythéistes-là voulaient, d'accord, ce qui est auprès d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? C'est ce que voulaient les polythéistes. D'accord ? Là, on comprend mieux, Inch'Allah, l'état, la croyance et l'état des polythéistes et des associateurs. D'accord ? Faut pas croire qu'un polythéiste, c'est quelqu'un qui renie l'existence d'Allah ou bien etc. D'accord, ça, on va pas revenir dessus. Donc ça, c'est bien clair. Donc il dit le shir. فَإِذَنْ حِينَ تَوَجَّهُ إِلَى هَذِهِ الْآلِهَ الْبَاطِلَ أَرَادُ مَا عِنْدَ اللَّهِ. Donc lorsque ces associateurs, ces polythéistes-là, se sont en fait tournés vers ces fausses divinités, eh bien, ils ont voulu ce qui est auprès d'Allah. Pourquoi ils se sont tournés vers ces fausses divinités-là ? C'est pour, yani c'est dans le but d'avoir ce qui est auprès d'Allah. وَلَمْ يَطْلُبُوا مِنْهَا إِسْتِقْلَالًا. Donc ils ne se mettaient pas à invoquer, à demander indépendamment d'Allah. Ils ne demandaient pas juste à leur divinité comme cela. Eux, ils adorent ces divinités-là dans le seul but d'avoir ce qui est auprès d'Allah. D'accord ? وَإِنَّمَا أَرَادُوهَا زُلْفَ وَقُرْبَ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu ? Ils ont voulu donc, de par cette adoration-là, eh bien qu'ils soient des rapprochés d'Allah, qu'ils soient rapprochés d'Allah Azza wa Jal, par l'adoration qu'ils vouent à ces fausses divinités. قَالَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. فَرَادُ بِذَلِكَ الْقُرْبَ. Donc ça c'est le verset 3 hein, de Sourate Al-Zumar. Donc, tandis que ceux qui prennent des protecteurs, des alliés, c'est-à-dire ici, tandis que ceux qui prennent des divinités en dehors de lui, disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. D'accord ? وَدَلِلَ الشَّفَاعَ. Là maintenant la preuve concernant l'intercession. قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَى وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ. Donc là la preuve de l'intercession, c'est le verset 18 de Sourate Younes. Dans la traduction du sens du verset, ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. والشفاعة أن يطلبوا من الله جل وعلا لهم الحوائج. Et donc, c'est quoi la shafa'a ? Là, il est en train d'expliquer le Cheikh Salah Ali Cheikh Hafidhullah. C'est quoi la shafa'a ? C'est qu'il demande d'Allah, le Très-Haut, eh bien, c'est-à-dire que eux, ils adorent ces fausses divinités-là, et que ces fausses divinités-là se mettent à, soi-disant, demander à Allah, eh bien, les besoins de ceux que qui les adorent. Donc il dit li anna ma'na ash-shafa'a an yadhamma al-matlub minhu talabahu ila at-talib fayarfa'uhu ila man 'indahu al-amr. Donc c'est ça la shafa'a, c'est quoi? C'est en fait que c'est que quelqu'un va transmettre de celui qui lui a demandé, il va transmettre donc, eh bien, à celui qui est plus haut que lui. D'accord ? Donc lui ne peut pas avoir, ne peut pas directement, donc ce qu'il fait, c'est qu'il va passer par un intermédiaire. Cet intermédiaire-là, eh bien, va transmettre en fait sa demande, d'accord, à celui qui a le commandement. C'est ça le sens de la shafa'a. Donc ils disent, eh bien, ceux-là, ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, ces fausses divinités-là, eh bien, demanderont à Allah ce que nous, on veut. Wallahu jalla wa ala la yarud shafa'atuhum li'annahum muqarrabuna indah. Et donc, voilà ce qu'ils disent. Ils disent, eh bien, eux, en les adorant, ces fausses divinités-là, d'accord? Eh bien, ces fausses divinités, eh bien, vont transmettre à Allah ce que eux, ils veulent. Et ils disent, et Allah ne renvoie pas, ne va pas renvoyer en fait leur intercession. Pourquoi? Parce que ce sont des rapprochés. Ce sont des rapprochés d'Allah. Voilà comment ils fonctionnent. Vous voyez? Et ça, c'est exactement ce qu'on trouve exactement aussi chez les soufis. Chez les soufis qui, eux, c'est à quelle heure le Isha? J'ai oublié l'heure. Mercredi, 22h. Ok, donc on a encore... On a encore 5 minutes, on va dire, Inch'Allah. Donc c'est ça, en fait. Pourquoi? Ce qu'on trouve, comme je disais tout à l'heure, chez les soufis, qui eux disent, ne demande pas directement à Allah, tu es sale avec tes péchés, tout cela, tu ne peux pas. Donc passe par un intermédiaire qui lui est proche d'Allah, et donc il va le dire à Allah. Et comme cet intermédiaire est un proche d'Allah, eh bien Allah ne va pas refuser l'intercession. Et là, ça demande. Voilà comment ils fonctionnent, les polythéistes. Et c'est ce qu'on trouve chez les soufis, hein, ces égarés d'innovateurs, qui eux fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire qu'ils te disent, eh bien, passe par un wali qui lui va le dire, parce que toi, t'es sale avec tes péchés, tandis que lui, ce sera accepté par Allah. Vous voyez les équivoques, comment ils les apportent. D'accord? Donc eux, ils pensent comme ça. C'est que, en invoquant ces fausses divinités-là vont dire à Allah, et leur intercession sera acceptée parce que Allah ne va pas les refuser car ils sont proches d'Allah. D'accord? Wa asl shirk al-'alam kana fi jami' al-fi'at wa at-tawa'if kana 'ala ahad jihatayn. Il dit le cheikh Salah al-Sheikh hafidhahullah, il dit, et l'origine en fait de l'associationnisme, du polythéisme dans le monde, eh bien, dans tous les endroits et dans toutes les contrées, eh bien, c'était ça reposait sur l'un des deux cas. Amma al-jiha al-oula fa huwa ash-shirk bil-i'tiqad bi rouhaniyat al-kawakib kama kana shirk qawm Ibrahim alayhi salam fa inna Ibrahim ata ila qawmihi ya'buduna al-asnam allati hiya musawwara ala suwar روحانية الكواكب الكواكب الخاصة التي يعتقدون أن لها تأثير في الملكوت عبدوا الأصنام أو الأوثان لأن الأرواح تلك الكواكب تحل فيها والشياطين تحل في تلك الأصنام والأوثان وتخاطبهم وربما حصلت لهم بعض ما يريدون فوقع الأمر بأن أشركوا. Donc là, qu'est-ce qu'il dit, le shirk? Il dit, Hafidhullah, il dit, le premier point, c'est quoi? C'est que l'associationnisme, le polythéisme, dans la croyance, qui est arrivé dans la croyance que dans les âmes des planètes. Comme c'était le cas dans le peuple de Ibrahim, alayhi salam. Donc Ibrahim est allé chez son peuple, et il a trouvé son peuple qu'ils adoraient des statues. Mais ces statues-là, c'était en fait des images de ces planètes-là. D'accord? Des images de ces planètes-là. Ces planètes précises dont ils croyaient qu'elles avaient un quelconque impact sur le royaume. Donc ils ont adoré ces statues. D'accord? Ils ont adoré donc ces statues ou bien ces tombes parce que eux, ils considèrent que les âmes de ces planètes sont à l'intérieur de ces statues ou de ces tombes. D'accord? Là, en l'occurrence, dans le peuple d'Ibrahim, c'était des statues qui étaient taillées selon la forme de telle et telle planète. D'accord? Eh bien, eux, en fait, en adorant cette pierre-là, là, cette statue, eux, ils considèrent que l'âme de ces choses-là était dans cette pierre. D'accord? Et les diables, eh bien, entraient dans ces statues. Ou bien, dans ces pierres-là, dans ces statues. D'accord? Et parfois, il se peut qu'elles leur parlaient. Parce que les diables, eh bien, en rentrant dedans, eh bien, ils leur parlaient. Et eux, ils croyaient que, eh bien, le fait qu'ils parlent, ils croyaient que c'était la statue qui leur parlait. D'accord? Ils ne se disaient pas que c'était le diable qui leur parlait. D'accord? Et donc, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, il dit le Cheikh Hafidhullah, il dit peut-être qu'il s'est passé quelque chose, que eux, ils ont vu se réaliser, et donc, ça a renforcé leur associationnisme et leur polythéisme, et ils se sont mis à plus à se cramponner sur leur polythéisme. D'accord? En croyant donc que les planètes, eh bien, c'était elles qui pouvaient faire des choses. D'accord? Donc, il y a les planètes, eux, ils adoraient ces statues-là en pensant que l'âme de ces planètes-là est à l'intérieur. Et donc, eux, eh bien, ces planètes pouvaient les parler à travers cette statue-là. D'accord? Et que, donc, les planètes, eh bien, pouvaient diriger telle et telle chose. D'accord? Et c'est pour cela, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit. On va terminer sur ce point-là, Inch'Allah. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. La traduction du sens du verset. Ainsi avons-nous montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Et de ceux qui croient avec conviction. Donc, on va s'arrêter sur ce point-là parce qu'il va falloir expliquer cette partie-là et ça va prendre un peu plus de temps. Donc, on continuera, Inch'Allah, bi'idhnillah, la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum.